Il y a un mari qui l'a poussée. Par où ? Dit Crevel avec un rire amer. Déjà nommé sous-chef, ce mari, qui sera sans doute complaisant, et porté pour avoir la croix. Le gouvernement devrait prendre garde et respecter ce qu'il a décoré en ne prodiguant pas la croix, dit Crevel d'un air politiquement piqué. Mais qu'a-t-il donc tant pour lui, ce grand matin de vieux baron ? Reprit-il. Il me semble que je le vaux bien, ajouta-t-il en se mirant dans une glace et se mettant en position. Héloïse m'a souvent dit, dans le moment où les femmes ne mentent pas, que j'étais étonnant. Oh, répliqua la cousine, les femmes aiment les hommes gros, ils sont presque tous bons, et entre vous et le baron, moi je vous choisirai. Monsieur Hulot est spirituel, bel homme, il a de la tournure, mais vous, vous êtes solide. Et puis tenez, vous paraissez encore plus mauvais sujet que lui. C'est incroyable, comme toutes les femmes, même les dévotes, aiment les gens qui ont cet air-là, s'écria Crevel en venant prendre Bête par la taille, tant il jubilait. La difficulté n'est pas là, dit la Bête en continuant. Vous comprenez qu'une femme qui trouve tant d'avantages ne fera pas d'infidélité à son protecteur pour des bagatelles. Et cela coûterait plus de 100 et quelques 1000 francs, car la petite dame voit son mari chef de bureau dans 2 ans d'ici. C'est la misère qui pousse ce pauvre petit ange dans le gouffre.